Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui une guest star vraiment très intéressante. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous raconter. Constance. Oui, bonjour. Alors moi, une fois, je jouais mon spectacle à la Comédie de Paris et il y a une spectatrice qui avait une gastro-entérite et qui a vomi dans son sac à main pendant mon spectacle. Et moi, je fais vomir les gens de rire. Tu veux faire quoi, toi? J'avoue que là, c'est pas vraiment facile à battre. Merci beaucoup, Constance. On te retrouve prochainement sur scène, peut-être, avec ton nouveau spectacle Potpourri, c'est ça? C'est ça, absolument. Au Théâtre des Deux Ânes, à partir du 9 octobre. Merci beaucoup, Constance. On se retrouve pour un nouveau numéro très bientôt. Merci à vous, bis à tous, même à toi là-bas.